De 19 graus, 17 de máxima para as Penhas Douradas. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Hola, bon dia la planète, la familia, j'espère que vous allez bien, ça y est, c'est la rentrée scolaire. Bon courage à tous les étudiants, tous ceux qui vont aller prendre le chemin de l'école ce matin, et puis tous ceux qui reprennent le taf aussi, le boulot, vous êtes nombreux et nombreuses aussi. On vous souhaite une belle matinée, 7h du matin, 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut pour vous réveiller. Le coup de main du matin, nouvelle émission. Si vous avez besoin justement d'un coup de main, vous avez peut-être besoin d'un électricien, besoin d'une nounou, besoin d'un plombier, je sais pas, quoi qu'est-ce, besoin d'un stage peut-être pour votre fille, et ben vous m'appelez 02 votre fils, hein, 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Belle journée et bon réveil avec Jimmy Cassel qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. À tous, hein, ça y est, on y va, il fait beau aujourd'hui en plus, température plutôt agréable, enfin un point météo dans quelques minutes, on dirait 96.2 FM sur la fréquence, puis le coup de main du matin. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Bah oui, c'est pas compliqué, vous appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Un coup de main, vous avez besoin d'aide le matin par exemple, pour votre fils, votre fille, je sais pas, vous cherchez du boulot aussi peut-être, hein, une nouvelle voiture, eh bien appelez-moi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et puis on vous file un petit coup de main ce matin si vous avez besoin. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Comme ça sert à rien de s'emballer. Je sais pas vraiment ce qu'on veut en gros j'assure. Ouais. Tu ne fais que râler. Allez, fonce dans le mur. Quand la devise on la connaît, il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Mamma mia, hein. Ça c'est Renval, là, c'était ce week-end, je crois, hein, l'Orléanais. On le salue au passage, monsieur Rizza sur l'arc-en-ciel, 7h08, on est en direct. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Bah oui, vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez qu'on vous file un petit coup de main ce matin. Un petit coucou à Sergio qui nous écoute. Salut Sergio, bonjour Francky, je t'écoute, je suis dans la voiture. Salut Forza Portugal, en direct avec l'artiste et le Brésil et Mafiosa sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Table. et toi mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. Appelle le 02 38 43 48 00. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Esta noche contigo la pasé bien. Wow. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Avec Daddy Yankee, Loqué Paso, Paso. Belle journée, bon réveil et courage à vous si vous allez bosser. Ça y est, c'est la reprise. Hein, vous nous appelez pour nous parler justement de cette reprise. Ça se passe comment ce matin? 02 38 43 48 00. Le point météo pour ce matin, eh bien, du soleil et encore du soleil. La météo. Eh bien, la météo, le ciel est bleu. En ensoleillé, quasiment pas de nuages aujourd'hui, très peu de nuages, même sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Maurais. Le ciel sera très très beau, les températures ce matin sont plutôt pas mal, 15 degrés, et on devrait dépasser les 34 degrés sur Orléans, La Chapelle-Saint-Mémin, Olivet, ou encore Saran, du soleil. En voilà, avec Last Christmas, la version de Rodrigo Ace, et puis nos invités aujourd'hui, une pléiade d'invités. Alex Wagner qui sera là pour nous parler de 2000 emplois, 2000 sourires qui se passera donc le 26 septembre. C'est à la passerelle de Fleury-les-Aubrais. D'ailleurs, on aura la maire de Fleury-les-Aubrais tout à l'heure au téléphone pour nous parler aussi de cette belle rentrée à 8h40. Nordi Latab aussi, vous le connaissez, l'Orléanais sur Orléans. Il bosse sur France 5. Allô docteur, dis-moi coach. Il va nous parler aussi de cette rentrée en sport. Et puis aussi notre invité aujourd'hui qui vient d'arriver dans les studios, qui nous a amener les croissants, et ça nous fait vraiment plaisir. Benoît Billard, la bande FM du Loiret, vous le connaissez aussi, il adore venir nous voir un petit peu, surtout les lundis quand il travaille pas, voilà, c'est ce passionné de radio, et aussi dans nos notions, et notre invité, ce matin, on parlera justement de cette passion, avec cette pléiade d'invités, hein, donc Carole Canette qui sera au téléphone avec nous normalement à 8h40 au téléphone pour nous parler justement de cette rentrée, comment se passe cette rentrée scolaire aussi, et puis le job aussi, comment ça se préparer et quelles sont les nouveautés aussi sur Fleury-les-Aubrais. On en parlera avec Carole Canette au téléphone tout à l'heure. Maître Gibbs qui arrive avec Tu vas me manquer sur la prochaine belle journée. Bon courage à vous si vous allez au taf, ça y est, c'est l'heure. Bah oui, pas facile après avoir passé 3 semaines, 1 mois de vacances. Il faut s'y atteler ce matin à 8h18 en direct sur le 96 de FM. Bon courage les amis, 02 38 43 48 00, c'est le standard. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Encore toute une nuit à rêver de ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. J'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. J'attendrai encore, encore et encore, tant que mon corps supportera ton absence. Je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Je t'attends comme matin. Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Yo te digo, hey, hey. De todo corazón les deseo feliz Navidad. Bon, je sais, c'est pas encore Noël, mais bon, ça fait du bien d'écouter la version latina. Rodrigo Hayes, Last Christmas. C'est quand tu réveilles, on vous réveille. Et avec quoi? Bah, eh, franchement, ça a marqué l'époque. Ah, nous, ça nous fait pas rire ce matin parce qu'il nous a quitté le guitariste de la compagnie créole, José. Bonjour, Benoît Billard. Bonjour, mon ami. Ça va? Bien, et toi? Bon, en pleine forme, hein, tranquille. Exactement. La bande des Femmes du Loiret est le premier invité à arriver. Hein, ouais. Et avec les croissants. Et avec les croissants, comme super. Toujours. Comme d'hab, hein, bah, merci. Hein, c'est toujours, normal. Toujours au top, Benoît Billard. Le fan de radio, fan, on en parlera avec toi tout à l'heure. La compagnie créole, ça a marqué un peu ta jeunesse, toi? Ah, oui, tout à fait, ouais. Hein? On a connu ça, mais alors nous on a connu dans les mariages, les baptêmes, les anniversaires, il y a toujours un compagnie créole qui traîne. Hein. C'est eux qu'on met au grand public, c'est la musique créole, quoi. Ouais, c'est qu'on ça. Fait découvrir aux Français la musique des Antilles, quoi. Mais ça, les jeunes, ils doivent pas connaître, hein, ceux qui sont dans les bars, dans non, les non. voitures qui vont aller en cours, là, avec les parents, compagnie créole. Eh, un petit coup comme ça, vite fait, là. Ah. Il avait 74 ans, le José. Hein. Ah, ouais, voilà. Ouais. Moi, ouais, j'adorais, moi. Moi, moi aussi, tout à fait. Franchement, ouais. ça met le coup d'ambiance, hein, dans un mariage, ouais. Hein, même un anniversaire. Hein. Voilà, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin à nos amis créoles qui nous écoutent. Salut la compagnie. Salut, bon baiser de Fort-de-France. Ouais, ah, elle était belle, cette chanson. Ah ouais, moi, je la mets toujours à Noël. Ouais, il y avait aussi Noël, c'était ça, Noël. Ouais. Bon, j'adore cette chanson. Ah ouais, exactement, tu nous rappelles des bons souvenirs. Ah ouais, mon rêve, c'est de faire Noël aux Antilles. année. C'est vrai? Ah ouais. C'est pas donné ça, hein? Non, mais j'aimerais bien le faire ça. Eh ben, j'espère que ça va s'exaucer, mon ami Benoît. Merci. En tout cas, on est un plaisir de te recevoir ce matin. Tu vas être entouré de belles personnes ce matin. Je vais faire tout petit ce matin. Non, il n'y a pas de petit, il y a des grands chez nous. Alex Wagner qui sera là pour nous parler de 2000 emplois, 2000 sourires. C'est le 26 septembre à la passerelle. Tiens, je sais plus pourquoi c'est pour Zénith, on lui demandera. Ça fait 2 ans que c'est à la passerelle. Oui, on lui posera une question tout à l'heure. Elle va nous répondre. Puis Nordine Latab, on le connaît aussi dans les années sportifs. France 5, allô docteur. Dis-moi coach, il sera là pour nous parler de sport un petit peu ce matin, une rentrée en sport, pourquoi pas. Et puis on aura au téléphone normalement la mère de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, vers 8h30, 9h-20. Comment se porte la bande FM du Loiret? Bah bien, je crois. Ouais, toujours à fond. Toujours à fond, ouais, j'ai mis des mises à jour hier soir, ouais, à 22h. Ouais. On voit ça. T'es toujours dans l'actualité. Comment t'arrives à rester comme ça, toujours informé de ce qui se passe un peu sur les radios? Par les réseaux sociaux, par bouche à bouche, certaines personnes me contactent, m'informent. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est que t'as quand même des contacts avec des grands de la radio, des petits, des grands, des moyens. Ouais, tout le monde. Tout le monde t'appelle. Les directeurs, ouais. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et la question que je te pose toujours, pourquoi Benoît Billard n'est pas en studio alors? Ouais, je sais pas, timide peut-être. Timide, ouais, la timidité. Ah ouais, bref, faut parler un petit peu en radio. Tout à fait. Ouais. En tout cas, je voulais saluer Mitsu aussi. Ah Mitsu, ouais. Mitsu. Alors Mitsu qui va s'est marié. Ouais, il s'est marié, mais Mitsu qui a connu quelques petits problèmes de santé là en Côte d'Ivoire et puis aussi avec les ouragans, je crois qu'il a eu des problèmes, tout a été un peu détruit chez lui. Ouais, ça. Mitsu devrait revenir en France. Il m'a contacté là récemment sur les réseaux sociaux et il m'a promis qu'il passera à la radio dès qu'il arrivera en France. Il m'a promis, voilà. Donc, génial. On va se préparer à recevoir dans les mois qui viennent, je pense, Mitsu, ancien animateur d'énergie. Mythique animateur. Mythique, ouais, ça fait des années 80, ouais. Ça fera plaisir de le recevoir en tous les cas. Ce jour-là, il faudra faire venir la presse quand même. Ah, tout à fait, ouais. Bon, nous, on continue notre petit café. Et puis nos croissants que tu nous as emmenés, ça me fait plaisir. Merci Benoît. On va se retrouver tout à l'heure avec nos invités, Alex Wagner, Nordine Latab et puis au téléphone, Madame Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais. Benoît, Louis Bertignac, ça te dit ces idées-là, les visiteurs à l'époque. L'été 87. Ah bah voilà, on a la bibliothèque de la radio qui est avec nous ce matin. Louis Bertignac, ex-membre du groupe Téléphone. Premier tube après la rupture. J'adorais ce titre-là, j'adorais. On adore toujours. En direct ce matin, 7h29 minutes, c'est Louis Bertignac et ses idées-là. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Like you know, there's only stars. matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. C'est 7h40, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous reprenez le boulot, si vous allez en cours, eh bien on vous souhaite plein de belles choses ce matin, le coup de main du matin, bah c'est parti. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Bah oui, on vous aide le matin, vous avez besoin peut-être d'une nounou pour la semaine prochaine, vous avez votre voiture qui est en panne, vous cherchez un bon mécano, eh bien des bons plans, des bonnes adresses, on peut les avoir grâce aux auditeurs qui nous écoutent, vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Alors vous cherchez un stage, par exemple, pour votre fils, pour votre fille, pour l'école, je sais pas, moi, n'importe quel job, on peut vous le trouver peut-être ce matin. Ça se trouve aussi grâce à Radio Arc-en-Ciel Orléans. Et ben, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est le coup de main du matin. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Et plein de douceur pour bien démarrer cette matinée avec cet artiste qui nous a quitté un 24 décembre, si je me rappelle bien. Monsieur George Michael et Carlos Whispers, belle journée et bon réveil sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. La poule, mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peau frais. C'est toi que je veux, chérie, y a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma gentille et moi je suis ton tchaout. J'ai fait des fois dans ma vie, mes hobbies, mon parcours. J'ai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Mélosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Mélosa. Ah. Tellement de soucis dans la tête et ce moment jaillait. Dans un océan de billets, j'avais de me noyer. Rosa dans ma tête, je l'ai côtoyé. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oublié. Elle a bousillé ma tête et mon esprit. Mon cœur s'est ouvert à cette mélodie. J'suis condamné à rapper ma vie, mon vécu, car niveau sentiment, j'suis maudit. Oui, j'suis un artiste, qu'est-ce que tu croyais? On peut pousser la mêlée, on fait pas qu'aboyer. J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes m'ont déçu, poteau, j'peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, ne pas louper le corps. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, elle a fait pleurer Melosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Oh, Radio Arc-en-Ciel en direct ce matin, 96 de FM, la fréquence qu'il vous faut. Et oui, on est heureux avec du soleil et ça fait du bien, ça brille aujourd'hui, ça fait chaud. La météo. Eh bien, le soleil est au rendez-vous à partir d'aujourd'hui et ce, pour toute la semaine. Alors là, je peux vous dire, la journée la plus chaude, ça sera ce week-end d'ailleurs, vendredi, samedi et dimanche. Ce seront les journées les plus chaudes. Aujourd'hui, du soleil, des nuages, ça va être alterné, quelques petits nuages, mais très très timides, hein, sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers ou encore Saran. Les températures, 15 degrés ce matin au réveil. Eh oui, le mode short est préconisé pour vous ce matin, si vous allez au boulot, si vous emmenez les enfants à l'école. Et puis le max, 34 degrés sur Pithiviers, Orléans ou Saint-Jean-de-Bray. Jimmy Cliff, le son Reggae Night qui arrive en direct, Radio Arc-en-Ciel, 16h-9h. 7h-9h. Thomas du matin sur le 96.2 FM. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita. Italia, ça on adore, hein. Laura Pazzini, la solitudine. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Il est bientôt 8h, les bons plans de la passerelle, on vous en parle justement. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Eh bien, les bons plans, on en parlera aussi avec lui tout à l'heure. C'est Alex Wagner, notre invité, qui sera là aux alentours de 8h15. Justement, 2000 emplois, 2000 sourires. Ton job, c'est ton choix. Ça va se passer à la passerelle le 26 septembre prochain. 2000 emplois, 2000 sourires. Alex Wagner nous en parlera tout à l'heure en direct des invités. Ce matin, plein d'invités. Benoît Billard, qui est là, je voulais le saluer, mon ami Benoît, qui est venu en vélo ce matin depuis le Faubourg Bagnier, eh oui, où ça circule plutôt pas mal. Il nous a apporté des croissants, la bande FM du Loiret, un sacré personnage atypique d'Orléans, je dirais même. Et on va bien se marrer tout à l'heure avec Nordina Tab aussi qui sera là, sportif. Dis-moi coach, allô docteur sur France 5, vous connaissez, eh bien elle sera là. Nordina Tab dans les studios de la radio Arc-en-Ciel, Alex Wagner sera là. Et puis on aura aussi Carole Canette aux alentours de 8h40, 8h45, la maire de Fleury-les-Aubrais. On va lui souhaiter une belle rentrée, la ville de Fleury-les-Aubrais, puis voir un peu les nouveautés, voir comment va se passer cette nouvelle rentrée 2023. Un bon programme ce matin. Ça va être chargé entre 8h et 9h. Là, ça va envoyer du lourd, comme on dit. Mas Camaleon qui arrive sur Radio-Arc-en-Ciel. Et puis, votre ami, Lucenzo. Et puis, on va parler aussi de la fête de la radio le 16 et 17 septembre prochain au parc de Lignerolles. Radio Arc-en-Ciel fait sa grande fête, les Santos Populaires. On vous en parlera tout au long de cette matinée. La grande fête de Radio Arc-en-Ciel 16 et 17 septembre à ne pas rater. Lucenzo qui arrive, Emigrante del Mundo. Belle journée, bonne rentrée à tous. N'oubliez pas, c'est le coup de main de Francky tous les matins sur Radio Arc-en-Ciel. Vous m'appelez 02 38 43 48 00. Le matin, Francky vous file un coup de main. Ah oui. Sur 96.2 FM. Ah, vous êtes, hein, 02 38 43 48 00. Francky, le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Ouais. Immigrante. C'est Lucenzo. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo représente. Pour toi et moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi j'ai compris ce qu'il me faut, c'est immigranté. Défends tes origines avec une marque de qualité. Lucenzo MC bilingue comme des millions. Balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord mon frère, voilà une bombe de marque. Une occasion de représenter, donc Lucenzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines. Latino forever, fier de ses origines. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo representa. Pour toi et moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien n'a pas. Maïsoum, je viens représenter. Pour les latinos, pour la marque Immigrante. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo representa. Pour toi et moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Immigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Immigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Immigrante del mundo. Lucenzo representa. Pour toi et moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Immigrante del mundo. Somos immigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrantes del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrantes del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de emigrantes. Emigrantes del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Retiens le message. C'est Lucenzo. C'est Lucenzo. Bah oui, c'est Lucenzo. On sait que c'est Lucenzo, hein. Les invités ce matin, Alex Wagner dans les studios. Il sera là dans quelques minutes, dans la table. Et puis, Benoît Billard, on l'accueille. Allez. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah bah c'est un habitué de la radio, Benoît, il habite à quoi? T'as un kilomètre de la radio, non? Ouais, à tout casser, oui. Tout casser, enfin, ouais. Tu vis en vélo, toi? Tout à fait, ouais. Sportif déjà à la base, hein, Benoît. À la base, ouais. Ouais. Et puis, franchement, avec ce temps, ça fait du bien de venir à la radio en vélo. Hein. Exactement, ouais. Comment se porte la bande FM du Loiret, alors, en ce moment? Bah, bien. Ouais, des nouveautés, là, t'as publié pas mal de choses. Nouveautés, ouais, alors, sur la bande FM du Loiret, puis sur l'autre site, Affiche Radio aussi. Ouais, ouais. Ouais, donc j'ai deux sites pour m'occuper, donc ça me prend pas mal de temps. Ça t'occupe. Alors, tu me disais en rentelle, on en discutait aussi tous les deux. Beaucoup de demandes de grosses radios, de petites radios, des gens qui te demandent de retrouver des choses sur l'actualité d'une radio, des souvenirs. Des souvenirs ou des autocollants, ouais. ou de leur faire un historique, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Comment t'arrives à emmagasiner un tas d'autocollants comme ça? Comment tu arrives à avoir tous ces autocollants un peu collector? Parce que je te suis un peu sur ta page, sur les réseaux sociaux. Comment on arrive aujourd'hui à avoir autant d'autocollants? Autant d'autocollants, il y a déjà des gens qui me suivent sur Facebook. Comme ouais. Hier, j'ai un monsieur qui est de la Moselle qui m'a envoyé un autocollant de sa radio. Il a découvert mon site récemment. Il s'est proposé de m'envoyer l'autocollant de la radio. Moi, j'en déniche sur Internet. Ouais. J'échange aussi avec un pote. Non, des fois. J'achète, oui. Cher, non, ça vaut 5 balles, ça. Ouais, même pas, ouais. Non, deux balles, ça dépend lesquels. J'ai un petit budget par mois pour mon site, ouais, tous les mois. J'ai. Quelle passion. Ah, n'est-ce pas, ouais. T'es contacté aussi par des grosses radios, hein, qui te demandent des choses aussi. Aussi, quelle grosse radio récemment te contacte? L'année dernière, c'était. Pas balancer des noms, hein. L'année dernière, c'était RTL pour. RTL, ouais. Tout à fait. Ouais. Ils t'ont demandé quoi? Des affiches publicitaires. Ah ouais, carrément. Carrément, ouais. J'ai eu RFM il y a 3 ans pour les 40 ans de la radio. Aussi. Aussi. Et tu arrives à rencontrer un peu les animateurs stars, entre guillemets, des grosses radios comme ça. Ils t'ont invité, non? Un matin ou un après-midi, peut-être faire une émission? Non, pas encore. J'en ai déjà croisé dans les locaux quand je vais les voir, mais. Et toi, ça serait quoi ton rêve d'aller sur RTL faire une émission ou alors faire une chronique peut-être un jour? Ah non, mon rêve sur RTL serait de rencontrer Julien Courbet. Julien Courbet. Ah ouais, j'adore cette émission. C'est vrai. Et hors norme. Ça, ça te dirait? Ah ouais, franchement, ouais. Ah bah attends, moi j'ai une idée derrière la tête. Alors, je sais pas si ça va se faire, mais j'ai des relations avec Julien Courbet, pas directement avec Julien Courbet, mais je connais un personnage de Bordeaux qui le connaît très très bien. Ah ouais, je vais me renseigner s'ils sont toujours à lui déjà, hein, parce que je veux pas, qu'il se fâche, mais par contre, s'il a toujours le relationnel, je lui demanderai qu'il nous mette en contact. Hein. D'accord. Ouais. Voilà, je vais l'appeler tout à l'heure, mon pote, c'est mon pote du collectif Métissé. Il est de Bordeaux et bah, il connaît très très bien Julien Courbet. Mais alors, très très bien, c'est vraiment. Ah, il est de Bordeaux, Julien Courbet. Bah, il est de Bordeaux et c'est des super amis. Hein, il est invité par là, ouais. J'espère qu'ils sont encore amis. Ouais. Et puis à notre rêve, c'est aussi Jean-Pierre Foucault. Ah, Jean-Pierre, ouais. Il est plutôt jeune, Jean-Pierre. Hein. Avec un de mes amis, Eddy, qui fait une rubrique sur une émission, sur une radio, une émission sur les médias et on aimerait bien l'interviewer, quoi. Ouais. C'est pas facile à obtenir. Si tu avais aujourd'hui la bande FM du Lorrain, une grosse anecdote ou quelque chose qui te passe comme ça à travers l'esprit, un bon souvenir, on va commencer avec les bons, après peut-être les mauvais. Un bon souvenir, ça serait la... Il y a tellement des bons souvenirs aujourd'hui. Ouais. Tellement de bons souvenirs. Ça serait la rencontre avec le petit-fils de Fernandel. Ah ouais, qui pourquoi le petit-fils de Fernandel? Une fois, il a vu que j'avais sur mon site d'affiche une publicité pour son père, Franck Fernandel, du temps qu'il était à... Voilà. C'était ça? Du temps que son frère Franck était à Monte Carlo, il y a une publicité qu'il ne connaissait pas. Ouais. Chez lui, apparemment, il y a une pièce musée qui consacre à son père et son grand-père, Fernandel. Ah, et il connaissait pas cette publicité et gentiment, je lui ai offert. Tu lui as offert? Voilà, on s'est rencontrés à Paris autour d'un café, je lui ai offert la publicité et il m'a offert son livre qu'il avait écrit sur son grand-père. Ça va être sympa d'être le plus beau souvenir de radio. Ouais, le petit-fils de Fernandel quand même. Et le petit-fils, quand il m'a appelé au téléphone, dès que j'ai décroché, j'ai su que c'était lui avec son accent. Avec l'accent. Il a le même accent que son grand-père. T'as dit quoi? Des pâtes, oui, des pâtes allées. Ah, tout d'un coup. Et le petit-fils, en plus, connaît très bien Orléans. Il avait il avait son ex qui habitait à Semois. Ah, voilà, pour l'anecdote. Ouais. Salut à la famille Fernandel, qui nous écoute tous les matins. Donc c'est mon plus beau souvenir, je pense. Alors, si on devait parler aussi du plus mauvais, ou du moins bon souvenir, peut-être pas mauvais, mais moins bon, ou quelque chose qui t'a marqué un petit peu. Qui t'a... Ah, moins bon, des fois, c'est quand il y a des gens qui se fâchent. Ouais, j'aime qui pas. Se fâchent par rapport à toi, ou par rapport à quoi? Parce que ils trouvent que je mets pas ça en valeur sur mon site, ou quoi que ce soit. Après, c'est de l'ego, ça, non? Ouais, tout à fait. Ou je reprenne des documents, puis je les revois pas, ou quoi que ce soit. Ça, c'est malheureusement, ouais. Je suis obligé de me battre pour revoir mes livres, ou quoi que ce soit. Et... Ouais. Voilà, bah ça fait partie malheureusement. Et vous êtes combien sur la planète ou en France à être passionné de radio comme ça, d'affiches radio, de collectionner voilà. Tout. Alors, tu sais à peu près, t'as des relations avec d'autres collègues? Radio, je pense que je dois être le seul. Ouais. C'est une idée que j'ai eue il y a de ça 11 ans. Ça m'est venu d'un coup un flash. Un jour comme ça, tu t'es passé devant un abribus et t'as vu une affiche? Non, c'était en partant dans un avion, quoi. Enfin, ah ouais? Ah ouais. Je partais en vacances dans un avion et j'ai plein de publicités, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ah ouais, d'accord. Voilà, je me suis dit, je vais en faire un site internet. Voilà. Tout est parti de là, tout simplement, quoi. Bah, Benoît Billard, pourquoi il écrit pas un bouquin? Ah non, on m'a déjà demandé, quoi. C'est vrai? Et alors, ouais, on m'a déjà demandé avec mes affiches, ça, mais alors... C'est compliqué parce que les affiches appartiennent aux radios, donc il faudrait l'accord des radios. Autorisations. Les autorisations. Ouais. Bah ici, tu peux en prendre des affiches, il y en a partout. Ouais, il y en a partout aussi. Tu te sers, hein, c'est comme chez toi. Mais c'est compliqué. Alors après, je suis aussi très actif sur une page des anciens de Nostalgie. Ah ouais? Ouais. Et on m'a déjà dit, pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur Nostalgie avec toutes tes archives, tout ça? Tu connais très bien la radio. Ouais. Ça, c'est une idée qui me trotte dans la tête, mais après, il faut être écrivain, quoi. Et Radio Arc-en-Ciel, t'as un pins, je crois, de la radio, il me semble. Ouais, tout à fait. Il me semble que pins, j'ai autocollant, ouais, j'ai tout ça. Autocollant et pins de la radio, ouais. Le souvenir, ouais. Exactement, ouais. Alors moi, je l'ai plus, c'est dommage, hein. Je crois que c'est Yves Baudard qui m'avait amené un t-shirt de Radio Arc-en-Ciel à l'époque. un vieux t-shirt, je sais plus où il est. Faut que je le retrouve. En tout cas, t'as des souvenirs sur de belles radios orlanaises. Ouais, tout à fait. Ouais. Notamment une radio où j'avais bossé en tant que bénévole aussi. Ouais. Et puis, bon, j'étais gamin, je crois que j'allais en bus de la Semtao à l'époque. Hein, ah, d'accord, ouais. Avec le ticket, ils faisaient du bruit là. Ouais, ouais. C'était à Saint-Jean-de-Bresse, c'était Radio 5 Orléans. Radio 5, ouais. Où, bah là, je voulais faire un petit clin d'œil à Michel qui nous a quittés déjà il y a deux ans, je crois. Deux ans. Un petit clin d'œil à Michel parce que j'avais bossé avec Michel qui faisait l'accordéon. L'accordéon, ouais, mes parents l'écoutaient le dimanche matin. Ouais, et moi, quand j'étais à Radio 5 Orléans, bah, je faisais le soir et lui, il arrivait le dimanche matin, tu sais, pour faire l'accordéon du matin. Et on c'était la relève, quoi. Et bon, Michel. D'accord, c'est un sacré personnage. Ouais, on pense à lui là-haut. Ouais, j'ai fait un petit clin d'œil à mon Michel qui nous écoute. Voilà, il est toujours là dans les studios présents parmi nous, Michel. Voilà. Bon, on va se retrouver tout à l'heure avec Alex Wagner et puis. Ouais. Toi, t'es sportif déjà ? Oui. Bah, tu vois, il y a un sportif qui arrive, c'est Jordi Natab, sur France 5, qui vont le retrouver dans Allo Docteur, ou alors dis-moi, coach, un sacré personnage aussi d'Orléans, qu'on va retrouver dans Jordi Natab, et puis Alex Wagner aussi, que tout le monde connaît sur Orléans, qui va nous parler de 2000 emplois, 2000 sourires, et puis Carole Canette aussi, qui sera avec nous au téléphone, la mère de Fleury. On a du monde ce matin, hein. Tout ça en une seule radio, c'est pire qu'un citron qu'on compresse comme ça dès le matin. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Mi corazón me pide más, nena, dámelo, baby. Mi corazón me pide más. J'ai beau me redire que tout seul beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence est roi. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. Quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guiderons pas. Et pose ma main sur mon morceau d'hier perdu dans cette nuit. Le coup de main du matin sur le 96.2 FM. Allez. les fais-moi tourner la tête. Hey, hey, tourner la tête. Hey, hey, rends-moi bête comme Yep. Hey, hey, bête comme Yep. Hey, hey, je suis l'homme de Torien. Hey, hey, l'homme de Torien. Hey, hey, fais-moi tourner la tête. Hey, hey, tourner la tête. Allez, fais-moi tourner la tête. Répondez ton nom de Leila. Les gens ne peuvent pas vous les cacher. Elle te sait fermer tous les villages. Les gens ne disent jamais vite. 8h19 sur Radio Arc-en-Ciel, belle journée, bon courage à vous si vous allez bosser ce matin, ça y est, c'est la reprise. Vous pouvez nous appeler, tiens, ce matin, comment se passe la reprise scolaire pour vos enfants? 02 38 43 48 0 0. Le matin, Francky vous file un coup de main en direct sur 96.2 FM. Ah oui, on vous file un coup de main, vous avez besoin d'un coup de main, vous cherchez un médecin, peut-être vous cherchez un mécanicien autour, vous cherchez un avocat, je sais pas, que sais-je. Eh bien, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Le prochain gros événement de la radio, c'est le 16 et 17 septembre prochain au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Les Santos Populaires, Radio Arc-en-Ciel fait sa 30e édition. On vous attend nombreux et nombreuses pour faire la fête avec nous sur place le 16 et 17 septembre prochain au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Justement, en parlant de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette sera notre invitée au téléphone tout à l'heure aux alentours de 8h40. La maire de Fleury-les-Aubrais, l'ambiance tropical, ça va vous réveiller, c'est bon, le son le matin, caliente, le soleil et décibels sur l'air en ciel. Chabuli bondas, oh, chi

pas briller. Oh non, non, faut pas briller. Je sais, faut pas oublier. Oh oh oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh. Ma pote, ma sista, même si c'est pas easy. Oh oh oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas briller. Faut écouter, c'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu de venir me tester? Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, t'as besoin de l'amour qui nuit. Laisse-le qu'on vende ça l'ami pour pouvoir exister. Et quant à toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh, ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh oh oh, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier, plier, plier, plier. Who don't they throw away? So make una serious, yeah. Time for my business, yeah. I make with the try to the rejoice, yeah. Why? Cause you know easy, yeah. Even if you don't get money, yeah. They jolly, they shake body, uh-huh. Cause the way you the fix, they complain, yeah. If you know the God way, yeah. That's on me be dead body, yeah. Nobody be dead baby, uh-huh. And when you fall, you go stand up again, yeah. You try them again, again and again. Cause it's noisy, yeah. Oh, oh, oh. My Peter and Paul and my Justin, it's noisy, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, now for Paris, yeah. Oh, oh, oh. If you could do a bad thing, you make with it as well, yeah. Mama God, now you're hard working, yeah. Faut pas oublier. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. My brother, my sister, c'est pas easy. Baptiste, Nino, Isier. Ma brother, ma sister, n'a pas parlé, Isier. wana mbuso wami awuhulana ilondoloze suhamtena yauyami ayihulana mbuso wami awuhulana ilondoloze. Ciel, 8h38 minutes en direct ce matin, 96 de FM la fréquence qui vous réveille et puis surtout pour aller au boulot ce matin, la rentrée scolaire aussi. On vous souhaite plein de belles choses, plein de courage et en plus on a de la chance parce que le soleil est au rendez-vous et jusqu'à 30 degrés aujourd'hui. Nos invités, ils arrivent et c'est le live. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Pour refaire les jingles, hein, c'est les invités du jour sur Radio Arc-en-Ciel en direct ce matin sur le 96.2 FM depuis les studios. Attends, on sera en Paris. Je vais dire bonjour à monsieur Alex Wagner. Bonjour Alex. Bonjour. Comment il va bien ce matin Alex? Pleine forme. Pleine forme, tout en rose. Ouais. C'est ta couleur fétiche, le rose? C'est ma couleur fétiche depuis longtemps. Eh ben, ça te va super bien. Nordine à table qui est là aussi. Bonjour Nordine. Hello. Il se gratte les yeux, Nordine, il est fatigué. Je viens de me réveiller. Non, tu viens de te réveiller? Non, c'est pas vrai. Non, il est levé depuis. Tu te lèves à quelle heure en général la semaine, Nordine? Ça dépend si je décide de marcher ou courir avant. Donc, des fois c'est 5 heures, des fois c'est 6 heures. Ah ouais. Aujourd'hui, t'es venu en voiture. Je voulais balancer un petit peu. Benoît Billard aussi. Bah, il est venu parce qu'il habite à côté, puis c'est un grand fan de la radio, puis des radios en général. La bande FM du Loiret, collectionneur de tout ce qui se passe sur les radios. Benoît. Oui, tout à fait, ouais. Ça va? Ça va très bien. Ouais. J'ai jamais vu un mec comme toi aussi fan, hein. Franchement. Ah bon? Respect. Benoît, qui est sollicité par des grosses radios souvent pour des archives, pour des petits trucs comme ça. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. RTL qui t'ont appelé il y a pas longtemps, là, tu me disais tout à l'heure. Voilà. RTL, RFM. Voilà, c'est une star. Et nous, on t'appelle pour un. Pas encore. On va démarrer avec toi si tu veux bien, Alex Wagner, président de 2000 emplois, 2000 sourires. Ça va se passer le 26 septembre. Alors c'est pas au Zénith, j'allais me gourer, j'allais dire au Zénith, mais c'est à Fleury-les-Aubrais, dans notre belle ville, à la Passerelle, Alex. Oui, à la Passerelle, l'acte 2 de 2023, 2000 emplois, 2000 sourires. On a choisi de faire dans des lieux plus simples, plus conviviaux. Mmh. Car d'abord au Zénith, le marché de l'emploi fait que c'est un peu grand. C'est très grand, ouais. Et deuxième temps, c'est trop cher. Trop cher le Zénith? Oui. Je voulais faire un petit clin d'œil au boss du Zénith qui nous a quittés malheureusement. Ouais, Gérard. Ouais. Gérard, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce matin, même si ça n'a jamais été toujours facile avec lui. Hein, mais voilà, on voulait. On l'aimait. On l'aimait bien. Et je me suis engueulé un paquet de fois avec lui, moi, devant le Zénith. Hein. Mais bon, super personnage. On l'a, petit clin d'œil à sa famille. On le regrette, il est parti trop vite et trop discrètement. Exactement. Ton job, c'est ton choix. C'est ça, Alex? Oui, ton job, c'est ton choix. Cette session va être sur trois axes principaux. Le premier, c'est l'alternance, puisqu'il y a des tas de jeunes qui cherchent des entreprises. Ouais. Le deuxième, c'est le handicap, parce que c'est un sujet... très important. Et le troisième qui est fondamental, c'est le bien-être au travail, car quand on passe près de 40 heures sur un lieu de travail, on doit se sentir bien. On se sent bien, et on se sent bien, ça sera à Fleury-les-Aubrais le 26 septembre 2023, justement, parlant de Fleury-les-Aubrais, Carole Canet qui doit être avec nous au téléphone. Bonjour Carole. Absolument, bonjour. Comment tu vas bien Carole? Très bien, très bien. Bonjour à tous les trois déjà, et puis bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Ça, ça a été tes vacances ? Eh bien, parfaitement. Alors, Carole, comment se passe la rentrée aujourd'hui ? Parce que c'est aujourd'hui la rentrée scolaire et puis professionnelle aussi pour certains qui sont qui rentrent de vacances. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe bien à Fleury-les-Aubrais, en tout cas. Je suis encore, encore dans la rue, je me suis éloignée un tout petit peu, mais je suis devant une école avec un conseiller municipal, M. Le Frucheux. On s'assure que tout se passe bien en se répartissant devant chaque école, d'une part. Donc, on s'assure que ça se passe bien. Et puis, on a quelques nouveautés pour la rentrée. On expérimente une rue scolaire. C'est-à-dire Une rue scolaire, c'est-à-dire que c'est une sécurisation, on l'espère, quasi parfaite des abords des écoles, mais de l'école, mais aussi de manière d'apaiser. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de voiture. Voilà, il n'y a pas de voiture dans la rue où par laquelle se fait l'entrée de l'école pour les enfants, histoire que ce soit paisible, qu'on arrive à l'école à pied, tranquillement, sans que ce soit l'anarchie et la bagarre pour les places, qui vont faire plus loin. Voilà, on a ça, on a ce qu'on appelle un nouveau portail famille, pour simplifier un peu les interfaces entre la mairie et les réserver la cantine, le périscolaire et tout ça. Voilà, on a simplifié tout ça. On a élargi l'horaire de garderie périscolaire le soir. Ça finissait à 18h15, qui nous semblait un peu tôt. Désormais, c'est 18h30. Mmh. On a une grande réorganisation des services aussi pour être plus efficace, que chacun soit spécialisé sur des tâches. Et puis, du personnel plus qualifié, plus accompagné. On a déprécarisé, parce que j'entendais Alex Wagner qui parlait d'emploi, on a déprécarisé des emplois d'animateurs en changeant l'organisation, de manière à ce que les enfants soient d'une part accueillis par des gens qui ne sont pas qui n'ont pas des contrats précaires et qui sont là au coup par coup. Donc on a une quinzaine d'emplois comme ça qui sont déprécarisés. Et puis, en supprimant les coupures qu'avaient les gens, beaucoup de gens qui travaillaient dans les écoles de Fleury depuis des années et des années. Oui. Et qui commençaient tôt le matin, ils finissaient tard le soir et ils avaient des coupures. Quand je dis tôt le matin, c'était 7h, 7h30 et ils finissaient à 19h. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ce, tous les jours. Donc, donc on a réorganisé pour qu'il y ait des équipes du matin pour certains, ils ont pu choisir quelle équipe ils faisaient, et d'autres des équipes de matin midi ou midi après-midi, voilà, pour travailler la qualité de vie au travail, qualité et puis le repos aussi, voilà. Ça, voilà, c'est important. Donc j'entendais Alex Wagner qui parlait de qualité de vie au travail là, et ben voilà, on est sur ce créneau là aussi. Et bien Fleury, et j'en profite pour le saluer et lui dire, je voulais l'appeler d'ailleurs, elle t'écoute hein. Ah ouais, je sais qu'il m'écoute. C'est pour ça que j'en profite pour lui dire que mais il le sait, je suis ravie de l'accueillir le 26 septembre là, que j'ai dit 2000 emplois, 2000 sourires à Fleury, et lui confirmer, parce que j'ai vu un petit mail passer, que la subvention a bien été votée lors du dernier conseil municipal. Bah merci, voilà une journée qui démarre bien. Voilà. Et puis je suis très content d'aller à Fleury, parce qu'on retrouve une convivialité, une relation humaine forte, et pour moi c'est important. Bah, ça l'est pour nous aussi. Carole, ton job c'est ton choix, c'est un peu le slogan de 2000 emplois, 2000 sourires. C'est ta raison aussi, le job c'est un choix ou pas? Ah bah oui, mais oui, être maire, c'est mon choix. En général, ça n'arrive pas vraiment par hasard. pour être heureux dans la vie, il faut à la fois se sentir utile, très utile, et prendre plaisir à tout, à chacun. Voilà, quel que soit ce qu'on choisit comme branche, comme activité, puis il faut se laisser aussi guider, enfin porter par la vie. Il y a parfois des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, c'est pour ça que faut à la fois s'écouter, faire attention à ses envies, à ses aspirations, et puis te laisser porter. Mais 2000 emplois, 2000 sourires, c'est fait pour ça aussi. Bah justement, là tu viens de donner la banane à Alex parce que tu l'annonçais que ça a été voté. Donc il y a un peu d'argent qui va rentrer, Alex. Oui, mais le but c'est... Il n'y a pas que Fleury qui soutient, il faut le dire quand même. Enfin, bien sûr. C'est d'abord l'énergie de tous les bénévoles, d'Alex Wagner. Et puis après, il y a des soutiens des collectivités publiques, dont, si je ne me trompe pas, Alex, la région, ça je le sais. Principal partenaire depuis l'origine. Voilà, je sais combien François Bonneau est attaché à cette manifestation-là aussi. La métropole et le département. Et le département, hein, il semble qu'il y a tout le monde. Et pour moi, c'est une première réussite de mettre toutes les collectivités, parce que je crois que dans le dépassement politique, on doit être au-delà pour favoriser l'emploi, l'accès à l'emploi, ce qui est fondamental dans notre société, parce qu'avoir un emploi, c'est se sentir bien dans la société. Et surtout, quand tu parlais, quand on est bien dans son emploi, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, j'ai œuvré pour la radio pendant 35 ans, j'ai jamais eu l'impression de travailler, parce que je me suis fait plaisir. On rentre, alors parfois on est fatigué, on a passé beaucoup de temps, mais on s'est fait plaisir et puis on a l'impression d'être utile. Ça, c'est très important. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le marché du travail se renverse un peu, se tend un peu, et que les questions de formation, elles sont au centre de la question aussi, et d'orientation. Il faut qu'on arrive à orienter les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, vers des métiers qui vont pouvoir exercer en se sentant bien parce qu'ils sont bien formés, mais vers des métiers où ils vont s'épanouir. Donc la question de l'orientation, l'information sur les métiers, l'information sur la formation, sur les voies pour y arriver, elle est centrale, c'est centrale. Carole, c'est l'acte 2 là, de 2000 emplois, 2000 sourires. Oui. Des retours par rapport à l'année dernière sur le non, le c'était job... pas l'an dernier. C'était il y a deux ans. Tu as des retours positifs? Mais oui, mais c'était formidable. En plus, c'était la première fois que ça se faisait à Fleury. Il y avait une effervescence, des rencontres. C'est un salon de rencontres et de partage. Donc c'est très très bien. Alors après, le marché du travail n'était pas tout à fait dans le même état, j'allais dire. Hein, qui s'est un peu retourné, donc les enjeux sont un peu différents. Mais il y avait vraiment, enfin, il y avait des entreprises qui étaient présentes et beaucoup de jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, qui cherchaient et qui avaient là les personnes qu'elles pouvaient rencontrer pour décrocher un job, quoi. Donc là aujourd'hui, quand je dis ça s'est un peu retourné, c'est presque les compétences, les jeunes qui choisissent leur là où ils vont bosser. C'est les entreprises qui ont à se vendre aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une séduction réciproque. C'est vrai, c'est ça. Mais après voilà, non, les retours étaient excellents. Moi je celles et ceux qui étaient là, il y avait vraiment du monde, étaient ravis de cette manifestation et de ce qu'elle porte. Ça porte très fort. Merci Carole Canette de nous avoir raconté. Tu veux prendre la parole, Alex, peut-être ? Oui, je voulais dire que cette année, on souhaitait mettre l'accent particulièrement sur le handicap. Et j'ai un cas qui est à la fois beau et triste. C'est un jeune qui a des traits autistiques. Donc... pendant 5 ans, il a décidé de passer un master d'histoire géo. Voilà. Et il a dû être accompagné par son grand-père, qui a maintenant 78 ans, pendant 5 ans sur les bancs de la fac. Et je trouve que cette histoire est formidable, elle est belle, en solidarité. Seul problème, c'est que maintenant, il a son master. Il a postulé à une 50aine d'emplois. Ouais. Il a eu 20 réponses, et que des réponses négatives. Donc il rêve de travailler et il s'appelle Marc Aurel et je crois que le thème ça va être un appel sur le handicap et aider ce jeune homme à trouver un emploi. Il est très très poli, intelligent. Évidemment, il a un léger ralentissement à travers son handicap. Mais il est capable de faire des choses et je crois que à travers ce geste et l'aide qu'on va lui apporter, j'ai vu la GFIP, on a rencontré des tas de personnes. On voudrait l'emmener vers l'emploi pour qu'il ait un rôle social. Aujourd'hui, il est au RSA depuis un an et demi et il ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc ça va être repris par de nombreux médias, même des médias nationaux, et je veux tout faire pour sensibiliser les gens au handicap et cette histoire à la fois belle et triste. Ça te touche, Carole, ça, aujourd'hui ? Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais je connais le grand-père de Marc Aurèle. Rousseau. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Je connais, je l'ai rencontré. Donc, ce que je voudrais, c'est que le 26 septembre, ou avant, on lui trouve un emploi. Hein, c'est le défi qui est lancé ce matin, Alex. Le alors. Défi est lancé. Okay. Le défi est lancé, Carole. Je l'entends, je l'entends. Non, non, mais j'entends. Alors. Mais je demanderai pas que au maire de Fleury ou à la vice-présidente de la région, je demanderai à l'ensemble des institutions et des privés. Bien sûr. Carole, je sais que ton temps est précieux, c'est la rentrée scolaire. Oui. On va te laisser. Ok. Bonne rentrée. Alors, je souhaite une excellente rentrée à tous les enfants de Fleury et puis à tous les lycéens du conseil régional Centre-Val de Loire. Avec un petit coucou particulier pour ceux qui font leur rentrée dans le 28. C'est un peu loin de Fleury mais, et d'Orléans, mais dans le 28, il y a un nouveau lycée à Anche qu'on va inaugurer vendredi, mais qui ouvre aujourd'hui. Et construire un nouveau lycée, voilà, ouais. Ça n'est pas rien, ça n'est pas une petite affaire. Et voilà. Et dernière chose, pour tous les, non pas les petits-enfants qui font leur rentrée aujourd'hui, mais pour les plus grands, je rappelle que la région a mis en œuvre la gratuité des transports scolaires. Oui. La gratuité des transports Rémi le week-end. Transports scolaires, c'est scolaire, c'est des clients. C'est le week-end sur Rémi, ouais. Mais là, sur Rémi, gratuité des transports Rémi, c'est-à-dire les trains et les cars Rémi, donc y compris pour aller à Paris pour les 15-25. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va s'inscrire sur UAP. Ok, Carole, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Passe une très bonne rentrée. Et bonne rentrée à tous. Bonne journée. Au revoir, Carole. Bon, bah, Alex, je crois qu'on a fait le tour avec Carole Canette pour le 26 septembre. Tu parlais justement du handicap. Ça sera le thème abordé aussi. Un thème fondamental, puisque évidemment l'emploi, l'évolution de l'emploi, on tend vers le plein emploi. Mmh. Le seul problème, c'est qu'il y a des métiers en carence, il y a 1 million d'emplois disponibles qui ne sont pas pourvus. Voilà, donc il faut travailler sur le handicap pour donner, notamment sur l'aspect, sans faire de discrimination sur le handicap mental, donner un rôle social à ces jeunes qui méritent de travailler, qui s'épanouissent complètement. Et au sein du fonds de dotation qui va se transformer un jour en association J'aime mon enfant différent, on est décidé à monter un café joyeux à Orléans. Ouais. Voilà, pour donner de l'emploi et puis faire participer ces jeunes handicapés mentaux à la société et vivre normalement et vivre de façon ordinaire. Toujours des bonnes idées, Alex Wagner, en direct ce matin sur le 96.2 FM. Nordinatab qui est notre invité aussi, on le connaît, Nordinatab, France 5. Allô le doc, dis-moi coach, bonjour Nordine. Allô Franck. Tu as suivi un petit peu la conversation de Carole et puis de Alex Wagner, toi ça te rapproche ici côté sport? Alors oui, ça me rapproche forcément côté sport. Après, ce qui est marrant, c'est le petit clin d'œil avec Alex, parce que avant même qu'il monte 2000 emplois, 2000 sourires, c'est l'une des premières personnes à m'avoir donné la possibilité de créer mon premier emploi. C'est-à-dire qu'avant d'être coach, eh ben, je faisais des soirées en discothèque, ouais, en zig, au Gardel. Et Alex, tout de suite, quand je lui ai parlé de ramener des artistes et autres, il m'a dit « Allez, let's go, je te fais confiance ». Et ça, c'est rigolo parce que au-delà de 2000 emplois, 2000 sourires, sans qu'il le sache, en fait, c'était déjà un créateur d'emplois. Donc le fait qu'aujourd'hui, je sois là à côté, c'est assez sympa et c'est tout un clin d'œil, quoi. C'est un beau clin d'œil en tous les cas. Et on a un lien par le basket. Ah ça c'est la base. Oui, la base, le basket. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, tu me demandais si forcément ça me parlait par rapport au sport. Oui, et notamment avec cette notion de handicap. Alors je la prendrai au sens large. Aujourd'hui, juste par exemple avec la salle, on a un contrat avec Pôle emploi qui nous permet justement de travailler avec toutes les personnes qui recherchent un travail, parce qu'aujourd'hui, les personnes, on l'a dit tout à l'heure, Carole Canette l'a dit aussi, pour être bien au travail, il faut aussi notamment être bien dans son corps, bien dans sa tête. Mmh. Et l'idée, c'est de travailler justement avec pas mal de demandeurs et demandeuses d'emploi pour justement qu'ils puissent ouvrir le champ des emplois, parce qu'une personne qui aurait mal au dos, qui serait dans l'obésité, ouais, qui aurait des soucis d'articulation ou autre, elle va forcément s'orienter vers une case d'emploi et pas forcément vers les autres. Donc nous, notre travail avec la salle, c'est de pouvoir leur donner la possibilité de retrouver confiance en soi, de pouvoir être mieux dans leur corps et à partir de là, de regarder aussi tous les emplois qui leur permettraient de s'épanouir. Mais justement, pourquoi pas associer 2000 emplois, 2000 sourires avec Nordine Atab, Alex Wagner, ça serait bien. Ça va se faire naturellement en se tapant dans la main. Avec plaisir. On a des liens forts et on partage les mêmes valeurs. Comment se passe la rentrée, Nordine? Plutôt bien. Toujours les médias, donc sur France 5 chaque semaine dans le magazine de la santé, les conférences également et surtout la salle aussi à Orléans, mais surtout un axe de travail auprès des écoles pour lutter contre la sédentarité des élèves qui est grandissante. On l'a vu malheureusement cet été avec les résultats sportifs des différentes équipes de France, que ce soit basket, que ce soit athlétisme. Et c'est vrai que ce soit Christine Aron ou Stéphane Diagana, tout le monde a tapé un petit peu dans la fourmilière en disant oui, mais il faudrait une autre culture, faire évoluer les pensées. Et j'y travaille depuis 2 ans maintenant auprès des écoles pour ramener un protocole qui permet à chaque élève, à chaque enfant d'école élémentaire de pouvoir se bouger davantage. Donc ça, c'est vrai que c'est ma bataille et l'idée, c'est de le développer dans l'agglomération. Alors, j'essaie de pousser les portes, c'est pas aussi simple, mais petit à petit, les villes me font confiance et elles me demandent à œuvrer dans leurs écoles. Donc, dans un premier temps, l'agglomération, après le Loiret et après, je l'espère, au niveau national. National, ça serait une belle chose. Tu dis se bouger, c'est bien. C'est quoi aujourd'hui se bouger pour toi le matin, les premières choses à faire, si tu avais des bons conseils à donner à nos auditeurs? Alors, des bons conseils, je sais pas, mais ce qui me parle en fait, c'est que bien sûr il y a l'aspect sportif, mais il y a l'aspect juste mouvement. Parce que tout le monde n'est pas sportif aussi. Et en même temps, ça je le mettrais de côté, c'est-à-dire que justement pour être sportif de haut niveau, faut déjà faire des enfants qui se bougent, quoi. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de pouvoir tous se remettre en mouvement. Et c'est vrai que quand j'entends la maire de Fleury qui dit il y a une rue spécifique dans laquelle il y a pas de voiture ou autre, et ça c'est déjà un premier axe, parce que forcément on va garer la voiture un petit peu plus loin et chaque parent, chaque enfant va participer à se bouger. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, c'est toute la dynamique familiale qu'on va créer et qui va permettre d'instaurer du mouvement. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tous sur les écrans, on va tous à 200 km/h, et pourtant, on a ralenti énormément, notamment la marche. Donc l'idée, c'est de revoir un petit peu tout son modèle. Et c'est vrai que septembre, c'est un petit peu la rentrée. Donc si on peut faire évoluer les attitudes, c'est pas compliqué. Par exemple, avec ma fille, lorsqu'on révise les leçons, et dès qu'il fait beau, on va dehors. On va dehors. Et tout ça, ça permet justement de favoriser un nombre de pas pour ceux qui sont au travail. Ouais. Pourquoi on ferait les réunions assis? On pourrait profiter, cette semaine, il va faire 32 moyenne. Dehors. Et notamment, ça fera du bien au corps, mais ça fera aussi du bien à la tête. Donc, il n'y a pas forcément de sortir des grandes écoles pour mettre des choses en place. C'est juste des petites astuces qui vont nous permettre de faire évoluer. Tout à l'heure, tu me charriais en me disant, est-ce que je suis venu en voiture? Je suis venu en voiture, mais c'est vrai que si j'avais anticipé, j'aurais pu venir à vélo. Et forcément, j'allais capitaliser du mouvement. Et justement, je rebondis sur ça parce que Benoît Billard, qui est notre invité, alors lui, il n'a pas de voiture, il se déplace en vélo, à pied, et il est tout le temps dehors, Benoît. Hein? Ouais. Et je vais revenir sur l'handicap. Moi, j'ai quand même un handicap. J'ai une grosse opération au dos. Ouais. Et le sport m'a quand même fait beaucoup de bien, moi. M'a fait rebondir quand même après l'opération. J'ai pu reprendre un métier physique, chose que la sécurité sociale ne voulait pas que je reprenne. Je fais 45 heures par semaine en sous-effectif, donc c'est du stress, c'est des tensions. C'est quoi la société? C'est dans une boucherie, quoi. Mais le sport me fait du bien, le sport m'aide à m'entretenir quand même. En vieillissant, de temps en temps, je vois l'ostéopathe qui me remet en place. Le sport m'a fait beaucoup de bien après l'opération, quoi. Toi, tu te déplaces toujours, soit en vélo, à pied. En vélo ou à pied, ouais. Ouais. Pas de voiture? Pas de voiture, non. Jamais? Jamais eu de voiture, non. Voilà. Non, j'ai une maladie à l'œil. Nordine, c'est un bel exemple, quand même, là. C'est un très bel exemple, et ça me rappelle l'exemple d'une dame que j'avais croisée il y a 6 mois, et elle me parlait du vélo qu'elle faisait et de la sensibilité que j'avais autour de ça. Et elle me disait, moi, vous savez, durant toute ma carrière, elle était institutrice, elle me dit, j'allais à l'école à vélo. Et elle me disait, chaque jour, je faisais 6 km et je la félicite parce que c'était extraordinaire. Et puis elle me dit, c'est pas grand-chose, tout ça. Et puis tout de suite, j'ai pris ma calculette et j'ai calculé. Et sur sa carrière, elle a fait plus d'une fois le tour de la planète. Ah oui, quand même. Et c'est vrai qu'on a le sentiment de se dire, c'est que 1 km, c'est 10 pompes, c'est 20 squats, c'est pas grand-chose. Mais bout à bout, ça fait énormément et tout ça capitalise du mouvement. C'est bien, on en parle ce matin avec toi. Merci, Nordina Tab. Trois axes sur 2000 emplois, 2000 sourires, Alex Wagner. Oui, trois axes. L'alternance, le handicap et le bien-être au travail. Et puis, Nordine va nous retrouver pour m'aider sur le... Ah, ça y est, je crois qu'on a signé, on a signé un pacte ou un contrat, là. Tu seras là, Nordine, ou pas? Il y a deux axes. Il y a l'axe qui me tient à cœur, donc les histoires humaines. Et le deuxième axe, forcément, en étant à Fleury, ville de cœur, forcément, c'est compliqué pour moi de dire non. Alex Wagner, le 26, ça se passe à la Passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Je parlais à Carole tout à l'heure des retours, toi, de ton côté, les retours d'il y a deux ans. C'est mitigé, c'est non, il y a deux ans, il y avait vraiment une excellente ambiance. Ouais. On s'est retrouvés dans un lieu sympa, convivial. Et puis, le parrain était mon ami Rodolphe Delors, patron de Beauval. Ouais. Donc, il attire du monde. Cette année, je précise que le parrain s'appelle Didier Burban. C'est les palettes. Didier, j'aime bien son histoire. Il est parti de rien. De rien du tout, ouais. Sur une idée, il a innové, il s'est battu. Il a 800 personnes maintenant. Il a 800 personnes, il fait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. Pas mal. Et surtout, ce qui est important, il garde ses valeurs humaines, il est toujours proche des gens. Et ouais, ça, c'est fondamental. Il faut savoir d'où on vient et rester les pieds sur terre. Ça, c'est et super. Il a les pieds sur terre. Ouais. On parlait de job, justement. Tu parlais du zoo de Beauval. La petite parenthèse, ils embauchent en ce moment le zoo de Beauval. Ils recrutent 1500 personnes. Et il me semble qu'ils font un recrutement sur place en ce moment au zoo de Beauval. Donc, si ça vous intéresse, connectez-vous sur le site officiel du zoo de Beauval. Et peut-être un nouveau job pour vous. Ça peut être sympa, ça, Alex. Mm-hmm. Zoo de Beauval. Zoo de Beauval. Toi, tu y vas, tu as été avec des enfants handicapés, tu fais plein de choses aussi là-haut. Oui, ils font plein de choses aussi, eux. Et puis c'est devenu un ami, on marche main dans la main. Et ouais. Je lui donne un petit coup de main sur certains aspects, notamment sur la biodiversité, les centres de préservation. Nordine, aujourd'hui, il y a du boulot. Tu vas au boulot? Oui, mais... T'as l'air surpris, d'accord. Oui, il y a du boulot. En fait, je rejoins Alex et Carole, c'est-à-dire que moi, j'ai pas le sentiment de travailler. Je mets mes baskets, je mets un t-shirt et c'est que du bonheur. Donc, je fais partie de cette tranche-là des gens qui pas le sentiment de bosser. Mais par contre, et ça, j'encourage tous les jeunes, ce que je veux dire, c'est que oui, des fois, on n'a pas envie de faire tel emploi. C'est ça, ouais. Mais j'ai envie de mettre ça dans la case alimentaire. Ce que je veux dire, c'est que on a toute la vie pour se construire et toute la vie pour justement trouver un emploi dans lequel on s'épanouit. Donc, même si au départ, j'en sais rien. Moi, je m'en souviens, je travaillais à Orléans en viande où je faisais des livraisons. Ça m'amusait pas forcément. Mais j'avais dans un coin de tête un emploi et l'idée c'était pouvoir le construire petit à petit. Donc voilà, soyez patient, gagnez quand même votre croûte et puis petit à petit vous allez dessiner votre propre vie. Et puis bien entendu, il faut aussi que les entreprises s'ouvrent et fassent confiance aux jeunes. Il faut être patient, il faut aimer son job, sa passion. 2000 emplois, 2000 soins, j'espère qu'ils vont donner cette passion. C'est pas évident aujourd'hui pour un job de dire tu vas être, on recrute des serveurs, des cuistots, des aides cuistots, des jobs qu'ils aiment pas forcément mais qui sont un peu obligés de faire. Pour vivre, comment on peut aider aujourd'hui un jeune à trouver une passion dans un job et lui montrer que justement ça peut être passionnant par la suite? Je crois que moi je reprends mon modèle, j'étais passionné de radio, j'ai voulu faire de la radio. Le but c'est d'y croire, d'être déterminé, d'avoir un projet et de concrétiser son projet, concrétiser ses rêves, et quelqu'un qui ne concrétise pas ses rêves est perturbé. Ouais. J'ai des exemples dans mon environnement. Ah oui, beaucoup. Benoît, on va te donner l'un des derniers mots de la fin. Benoît, tu bosses demain, toi? À 6h30, ouais. Ouais, 6h30 du matin. Tu es toujours passionné ou tu bosses ou parce que toujours, je me lève le matin, je suis content d'aller travailler. T'es content parce que tu fais 43 heures, je crois, tu m'as dit, c'est pas plus, mal. Ouais. On est en sous-effectif, donc... Ils recrutent pas là parce que on recrute, mais il y a plus grand monde qui va travailler dans le métier. Alex, regarde, dans la boucherie, c'est la boucherie qui travaille. Hein. Ouais. Les jeunes, ça les intéresse pas. J'ai un pressentiment la boucherie là. On va mettre un stand sur 2000 emplois, 2000 sourires. Un tablier puis une hache. Non, mais Benoît, c'est des métiers un peu difficiles. C'est tôt le matin, on finit le soir à 19h. C'est le samedi, donc. Et les jeunes, ils veulent pas de ça aujourd'hui? Ils ont du mal à travailler maintenant le samedi même. Alex, ils veulent quoi? Ils veulent faire du YouTube, les jeunes, être star sur YouTube? Non, moi, je pense qu'on peut pas dire les jeunes, ils veulent pas. Non, je dis pas qu'ils veulent pas, mais. Faut trouver une motivation. Ils préfèrent aller se montrer sur YouTube, faire des followers, plutôt qu'aller à la boucherie le matin à 6h, couper de la viande, non? Oui, mais bon, après, faut trouver un intérêt, et puis faut qu'ils arrivent à être séduits. Je crois qu'il y a deux axes. Il y a l'axe, le job alimentaire, parce qu'il faut manger, mmh. hein, et puis le rôle social de l'emploi, et puis après, préparer son projet et le concrétiser. Parce que si on fait qu'alimentaire, bah, ça va être que du court terme. Faut toujours avoir un projet. Et la première façon de que je provoque chez un jeune lorsque je lui parle, je lui dis, tu fermes tes yeux, tu rêves, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Et après, bah, tu le fais. Là, j'ouvre les yeux et je vois une file d'attente. Nord Inatable, Allo Dodoc, ça reprend quand? Mardi prochain. Enfin, ça reprend lundi et moi, c'est chaque mardi avec Marina Karavankos, avec Jimmy Mohamed notamment. Bon, bah, on va te suivre de près. Le mot de la fin pour toi, Nordine? Restez en mouvement sans vous mettre la pression. Le mot sport, voilà, peut faire peur à certaines personnes, mais à partir du moment où vous bougez régulièrement, vous avez tout gagné, vous allez être en bonne santé. Voilà, en bonne santé, c'est super important, la santé avant tout. Et puis Alex Wagner, je vais te laisser le mot de la fin aussi. Bah, l'emploi 2000 souris, c'est le 26 septembre 2023 à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Ben, je crois que dans notre société divisée, compliquée, aliénée, il faut savoir s'écouter, partager et puis servir les autres, aider les autres. À titre personnel, aider les autres, c'est m'aider moi-même. Bon, ben on va tous se taper dans la main juste après l'émission et puis on aura créé des liens encore ce matin. Merci Benoît Billard. Merci pour ton accueil. Merci Francky. Merci Eric Wagner. Merci Nordine Atab. Avec plaisir, merci. Et ben, tiens, ça va te rappeler les souvenirs sur Radio Zig, ça. Et bonjour Johnson. Merci les gars. Passez une belle journée sur l'arc-en-ciel.